À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit DJ Case. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap DJ Case, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour cette dernière, le dernier Planet Rap avec DJ Case. Yes. Comment va Case? Très très bien, j'ai passé une semaine formidable. Semaine qui continue encore pendant une petite heure. Et avant de se retrouver aussi dimanche, on n'oublie pas Rail Suprême dimanche soir. Ouais ouais, à minuit. À minuit, et pendant toutes les vacances, il y aura du son de Rail Suprême. C'est ça, exactement. Pendant toutes les vacances, Case nous prépare des mix. Ah ouais, inédits. Non, on sera pas en vacances. Donc voilà, tous les dimanches, rencard minuit, 1h du mat. À pas louper avec DJ Case. Et ce soir jusqu'à 21h, on va continuer à profiter de toi. J'ai l'impression qu'il y a du monde ce soir pour cette dernière. Il y a du monde, ouais. Bah, dernier jour, le meilleur pour la fin. On fera un petit tour de table dans un instant. Eh oui. Il y a un petit jeu pour toi qui t'attend aussi, Case, d'accord. Dans quelques minutes. Puisque c'est les vacances qui ont officiellement commencé aujourd'hui. Ça y est, officiellement. Ça y est, officiellement. Bon, il y en a plein déjà qui n'y allaient plus. Bah, c'est le bon moment pour choper l'album pour la route du bled. Alors. Mais voilà, officiellement, c'est donc aujourd'hui coup d'envoi. Il va y avoir des gens qui vont partir en week-end aussi. Enfin, week-end, qui vont partir ce week-end en vacances. Et on fera donc pour ces vacances. Mmh. Tu connais le principe des petits passeports, les trucs qu'on a tous eu à un moment gamin là. Oui. C'est genre, tu faisais ça. Ah, j'aimais bien ça moi à l'école. Bien ouais, tu vois, dans un instant, on va te faire un petit passeport DJ Case. Si les questions sont pas trop dures. De plus de. Il y aura tout. Il y aura maths, il y aura géographie, il y aura tout. Ce sera dans un instant. Et là, juste avant de présenter un petit peu tous les invités de DJ Case, on débute avec Validé. Yes, Validé. Ritza, Axel Tony. Ritza, Axel Tony, que j'ai vu arriver dans le coin. Ils sont là. Ouais, on est tous là. Coup d'envoi du Planet Rap maintenant. Tu connais le phénomène, ça rend toujours élégant. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon cœur s'en vient en montant. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enjaille sur tes DJ Case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. Télécharge sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bassin, tourne l'épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chelou. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calé sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la diff. Omri, danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui c'est bon, fais ta if. Paris ou New York, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au matos, des gens qui t'as la bimine. Non bébé, je rigole, fais pas ta timide. J'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris. Me fais pas croire que t'es fatigué. Qu'ils ont platine, t'as validé. Du gros son, c'est les holidays. On arrive, tu veux parier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez. Salam, salam. Allez, allez, allez. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Tu sais que mon cœur attendait. Seul dans mon lit, y'a comme un vide. Toute la nuit, je fais que penser. Je suis un kiss-kiss girl, je suis ailleurs. Que celui qui dise n'en ait pas peur. T'es pas prête, pas besoin de parler. Je t'en prie, juste ouvre-moi ton cœur. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez. Salam, salam. Allez, allez, allez. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez. Salam, salam. Allez, allez, allez. validé à l'instant. C'est ça. Le son validé, le son de l'été validé, le projet Paris Oran New York entre 20h et 21h. Qu'est-ce qui se passe, Case? Tu vois du monde arriver? Les gens sont sur le coup, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien, Case. À pratiquement 20h, il est content, je crois, ouais, de présenter une bonne partie des invités. Yes. Je te laisse faire le tour de table. Bien sûr, bien sûr. Bah, comme à nos habitudes, ce soir, comme tous les soirs, il y a Isno qui est là. Isno 45G. Isno 45G. Yes. Isno 45G. Voilà. Pour tous les, hein, pour tous les réseaux sociaux, voilà. Isno 45G. Big up à l'Argonne, la source, 45, les Chars, toutes les villes de la région. Tout 45, toute la province. Gros, gros big up de la part de DJ Case et d'Isno Good. Et aussi de, normalement, Ritza. Hein, ouais, ouais. Normalement, Ritza, normalement. Non, j'ai collé. Et ben voilà, puisqu'il a grillé, en effet. Ritza est avec nous. C'est ça, Ritza aussi, effectivement. Mais ça va bien? Super, au top, comme d'hab. En forme de il classe. Il est en méga forme, là. Il est en très grande forme. Au taquet, on sort du studio. On a fait un son. D'ailleurs, ouais, ce soir, on va faire péter un son en totale exclusivité. Vous avez fait aujourd'hui déjà? Non, on l'a fait la semaine dernière. Non, on l'a fait lundi, en fait. Ouais, lundi. C'est le début de semaine, c'est ça, donc c'est terminé et on va le faire péter tout à l'heure. Et c'est quoi, c'est le son? Donc, c'est un son d'été sur une phase B, c'est délire et tout. Club, voilà, club, clair. Vraiment un le truc qu'il a pas l'habitude de faire. Bon, on le découvrira. Je l'ai amené dans mon délire de discothèque. On le découvrira tout à l'heure, donc ce morceau. On continue le tour de table, quand même. Bien sûr. Bah, il y a George Clooney à ma droite. George Clooney, what else? What else? J'ai dit que c'est ça, en George Clooney. Voilà, on le connaît tous. Il avait fait son big featuring avec Rof il y a quelques années de ça. C'était Zone Internationale. Énorme. Avec Roldan. Monsieur, avec tout le monde. Enchanté. Ça va bien, Roldan? Oui, ça va. Ça fait très longtemps que tu n'es pas venu dans Planète Rap. Oui, c'est vrai, ça, il y a longtemps. Je suis venu une fois, ça fait quand même une dizaine d'années. Oh là, facile. Et ça va, tout va bien. Merci. Tout se passe bien. Merci pour l'invitation. Bah, merci. Il n'a pas changé. Hein. Aujourd'hui, je suis content parce que je suis dans mon élément. Il y a les côtés musique et comment il fait chaud, les soleils et tout ça. C'est Cuba. Ils sont comme à Cuba. Voilà. Et, mais c'est vrai qu'en plus, regarde, on a Georges Clooney avec nous qui parle en effet Cuba. Cuba, il n'a pas ramené les cigares aujourd'hui. Non, dommage. Je l'ai laissé à la maison, je ne savais pas qu'on pouvait fumer ici. Bah, si on peut. Là, ici, c'est des zones de non-droit. Donc. un petit mot quand même sur Roldan. Roldan, en fait. Le choix et pourquoi tu l'as invité sur Paris Rond New York. Voilà, le choix il est très simple, c'est que déjà moi j'avais kiffé son titre avec Rof et tout ce qui est reggaeton et dans Paris Rond New York il y a aussi des sons un peu hispaniques, latino. Et il est en featuring sur le projet avec Gizmo, le titre c'est El Yava, c'est un gros titre reggaeton qu'on va écouter tout à l'heure. Donc latino et il a déchiré ça et on a vu Gizmo dans un sur un genre de son qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est aussi le but, comme je t'ai expliqué pour Ice Lame 6 V Barbar hier, il pose sur des sons qu'ils n'ont pas l'habitude de poser. C'est aussi l'intérêt pour Paris en York. Ça veut dire que tu as trouvé la meilleure dans le C'était une bonne expérience, tout s'est bien passé, Roldan? Très bien, impeccable, comme d'habitude. Et toujours Richas, toujours en tournée ou... on a fait une pause et puis en ce moment, je suis sur mon projet, mon premier solo. Donc le solo de Roldan. Le solo de Roldan, qui va venir bientôt, j'espère, on croise les doigts. Ça dépend de vous. De moi. Ils aiment le soleil, Skyrock, ils aiment le soleil. Non, les médias. Donc là, le projet avant la fin. Il est presque fini. Avant la fin d'année. Il y a un pré-mix, il y a qu'à mixer, et puis voilà, c'est parti. Bon, et bah, bienvenue en tout cas, Holden. Ça fait plaisir de te retrouver ici à l'antenne au micro de Skyrock. Yes, autour de table. Donc on continue le tour de table. Il y a Jarod, le caméléon. Le caméléon qui est là. Monsieur Jarod, ça va bien, Jarod? Ça va et toi, Fred? Bah, écoute, en pleine forme depuis le freestyle incroyable qu'on avait fait dans une nocturne il y a quelques semaines de cela. Ouais, c'était super. C'était bon, hein? Ouais, c'était cool. On peut retrouver les vidéos ou pas d'ailleurs? Non, pas encore. Malheureusement, désolé, mais on vous envoie ça très bientôt. Okay. Très très très bientôt. Donc bientôt. Ouais, voilà, bientôt. Tout va bien aussi, Jarod, pour toi? Ouais, franchement, super. Gros big up à Kaize pour nous avoir invités sur le projet avec Diesel. On a fait un petit son qui s'appelle Weekend. Mm-hmm. Donc voilà, merci. On est très content de venir. Même. On va se faire un petit freestyle comme on aime faire, comme d'hab. Nous, on vient que pour les freestyles, de toute façon. Sinon, on vient pas. Et à chaque fois, on retourne tout et on s'en va. Voilà. C'est le principe avec Jarod. Donc voilà. On voilà, continue voilà. Le tour de table, il nous a parlé de Diesel. Il y a Diesel aussi parmi nous. Bonsoir. Ça va, mademoiselle? Oui, super, super. Toi aussi en forme? Ouais. Contente de cette connexion avec Jarod? Ah, ouais, c'est une très bonne combinaison. Vous allez voir, de toute façon, vous allez écouter. Yes. Ah oui, non mais Diesel, elle est sur plusieurs titres en plus sur le projet. Elle est en featuring avec Dry et Mokobe sur le titre Soirée. Et elle est en featuring aussi avec Volteface et l'artiste sur le titre qui s'appelle La Qu'on a écouté d'ailleurs hier soir. Exactement. Que tu as mixé hier soir dans l'émission. Yes. On continue, eh ben, il est de retour. Axel Tony. Tout comme Ritza, de retour. De retour, ce soir. Ça va bien, Axel? Ça va et toi, Frélo? Bah écoute, en pleine forme. Quand je vous vois tous, je vais très bien. Voilà, il fait beau, on est après content, ce petit coup de chaud aujourd'hui, bam, c'est reparti. Ouais, grosse chaleur, on est là. Donc voilà, toujours là pour DJ Case. Ouais, il est là. C'est validé. C'est validé, c'est validé avec Ritza. On est là, tout doucement. Case. Yes. Est-ce que tu n'irais pas au platine? Je pense que oui. Que l'on attaque tout de suite cette première session mix. Yes. Je crois que tu vas mixer des morceaux comme Ella Va, comme Claire, comme Weekend, justement. C'est ça. On va faire ça bien. Tu es prêt? Bah pas encore, mais bah, le temps d'y aller, on va combler le, ça. Le temps pour moi, ouais, de rappeler deux trois choses, tu veux dire. DJ Case n'a pas le temps. C'est bien, Axel, en fait. Je vais te prendre pour les jingles quand je suis en galère. Chose qui arrive jamais en plus dans Planète Rap d'être en galère. C'est jamais arrivé. Axel Tony, j'ai comme ça. Ça se trouve même la nuit, il fait ça. Ça se trouve. En train de dormir, il pousse la chanson. Il ronfle d'un seul coup. J'ai été en train de ronfler. Il surprend. Bon allez, je crois que c'est prêt. On peut y aller, Case. Quand tu veux, coup d'envoi. Le platine. Isno, tu nous ambiances ça toujours ambiance. 45 Isno, 45 ambiance. Jarod. Il faut qu'on s'arrache. Attention. Diesel et Jarod. Ouais, on n'est pas des lâches. Mais là, sérieux, y a trop de choses qui me lassent. Faudrait que tu fasses. Moi, j'attends simplement que la semaine passe. Après, je me casse. Après, je m'échappe avec mes liasses de billets verts. Virée nocturne sur Amsterdam. T'es parti sur quelques dames. Punaise, tonight, t'as trop la classe. Y'en a plein qui voudraient ta place. Le single à fond dans la caisse. Ça se tape et ça tire des barres. Les rages sont au loin derrière. Laisse tomber. Mon poteau, laisse-moi kiffer. On fait le contraire quand il s'agit de code. Toute la semaine, on cherche le week-end. J'tourne la nature avec mes potes. On roule en grosse caisse, on sort le week-end. Mon gars va laisse tomber. On a fait un peu de thune, on se barre ce week-end. On se tape, on se taille le week-end. Mon gars va laisse tomber. Pour dame, Barça ou Marrakech avec des potes ou une dame. J'prends la haine en deux secondes si tu niques ma vibe. Pour l'instant y'a pas de blême, mais les watts ça ride. Mon gars va ralentir un peu. Bonsoir les filles. Ta 500 est top, mais y'a plus de place dans le 4x4. Tu connais les pas, il faut qu'on démarre d'ici. On décolle maintenant, j'te prends un que truc chez le pack. Ah ouais, tu fais style avec de boire de l'alcool. Chérie, j'suis désolé, mais ta copine c'est une conne. On se casse, les masses. Sors le club, le œuf, les masses là-bas. Vont fait qu'il a qui donne, on est fonce des mais on est là. Fais le contraire quand il s'agit de code. Toute la semaine on charge du week-end. J'tourne la neige avec mes potes. On roule en grosse caisse, on sert de week-end. Mon gars va laisse tomber. Dès qu'on avait un peu de thune, on se barre ce week-end. On se tape, on se taille le week-end. Mon gars va laisse tomber. Laisse-moi kiffer. Laisse tomber. Laisse-moi kiffer. Laisse tomber. Laisse-moi kiffer. Laisse tomber. On va laisse tomber. Laisse-moi kiffer. On fait le contraire quand il s'agit de cop. Toute la semaine on cherche le week-end. Je tourne la night, je avec mes potes. On roule en grosse caisse, on cherche le week-end. Mon gars va laisse tomber. Dès qu'on a fait un peu de thune, on se barre ce week-end. On se tape, on se taille le week-end. Mon gars va laisse tomber. On fait le contraire quand il s'agit de cop. Toute la semaine on cherche le week-end. Je tourne la night, je avec mes potes. On roule en grosse caisse, on sort le week-end. Mon gars va laisse tomber. Dès qu'on a fait un peu de thune, on se barre ce week-end. On se tape, on se taille le week-end. Mon gars va laisse tomber. Laisse tomber. Una sella con su lindo caminar. Déjala que coja la carretera. Ella no va con cualquiera. Lo que quiere es vacilar. ¿Cómo? No sufras más, que no cunda el miedo. La nena quiere ir a bailar. Con o sin dinero no está nada, no quiere nada. Solo un buen momento pasará en estar ok. Y se con el viento. C'est vrai, des fois c'est dur quand on a rien dans les poches. On s'en fout bien les murs, mais j'ai peur de rater le coche. J'ai promis à mes gars sûr qu'un jour ou l'autre on sera les boss. J'ai traîné à la cave, côtoyé les cafards. J'ai pas fait la fac, j'ai vécu dans le bazar. Oui, j'ai pris des claques quand je n'étais pas sage. Maman se déplaçait quand j'étais en garde. C'était la merde, mais elle est belle quand même. Nico, je l'aime quand même, j'sais pas où elle m'emmène. J'ai plus de balles que les trafiquants. 9-4 pour un dame depuis le bâtiment 5. Hey, y'a va, sublime, élégante, y'a. Pensando que es una estrella con su lindo caminar. traverser du désert pourtant personne n'est dans le sable. Non. Et pour calmer les nerfs, envie de taper dans le sac, squatter dans le bad ou partir en vacances. Le choix est vite fait, mais il faut suivre la cadence. Et si la vie est belle, le bâtiment est crade. Et la vie était laide, donc on est devenu des bras. Yeah. Bouzou. Pour profiter et préparer les valises pour se tirer. Et tout l'hiver tu t'es dosé aux UV. C'est plus la peine, laisse le soleil te dorer. Bikini, short hawaïen, fumé à chicha. Ambiance posée au calme avec tous mes snaps. Snapchat, Facebook, ça m'a saoulé. Raconter toute ma vie, faut pas déconner. Turn it up, put your hands up. La musique à fond, je me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up. Put your hands up, les mains en l'air. Turn it up, put your hands up. La musique à fond, je me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up, les mains en l'air. Alors je danse sur du Kanye Lele. Les soucis, les problèmes, je ne veux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour moi, bébé, ça va aller lélé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller lélé. Alors je danse sur du Kanye Lele. Les soucis, les problèmes, je ne veux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour moi, bébé, ça va aller lélé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller lélé. Lélé, lélé, lélé, canette de Red Bull, cocktail Mojito. Et fais pas le mytho, je sais que t'es accro. T'as sorti ta dernière paire de Ray-Ban. T'es swagué de la tête aux pieds, t'as la classe. Toujours sur le tempo, à fond sur le dance floor. Y'a du people, ambiance tropicale. Et je me laisse aller, j'suis tranquille, je fly. Turn it up, put your hands up. La musique à fond, j'me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up. Put your hands up, je vis la night. Alors je danse sur du Kanye Lele. Les soucis, les problèmes, je ne veux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour ma bébé, ça va aller lélé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller lélé. Alors je danse sur du Kanye Lele. Les soucis, les problèmes, je ne veux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour ma bébé, ça va aller lélé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller lélé. Lélé, lélé, lélé, hey. Lélé, lélé, lélé, hey. Lélé, lélé, lélé, hey. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller lélé. Diesel, diesel, diesel, DJ Case, DJ Case, Paris, Orion, New York, Lourdes. Tout est clair. Just on record. C'est clair, hein, c'est clair. It's c'est clair, ouais. Paris, Doussama. Just on record. Laisse-moi faire. Tout est clair. DJ Case. T'es dans la file d'attente, nous on rentre. Pourtant j'ai pas ton temps, c'est pas méchant. T'es dans la file d'attente, nous on rentre. Chérie, pourquoi tu trembles? On est pas méchant. Les gros sont clairs, le DJ est clair, la soirée est claire. Tout est clair, les gars sont clairs. DJ Case est clair, la soirée est claire. Tout est clair. Clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair, clair très clair. Selfie, story, vas-y, souris, tout est clair. Regarde, t'assiste, commence, je finis, tout est clair. Vamos, chérie, fais du physique, tout est clair. Twerk toute la nuit, très clair. Clair, clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. Clair, clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. Nouveau titre, clair, Ritza. Clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. DJ K. Clair, clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. Clair, clair, clair, fais le boulot, fais le boulot, fais le boulot. Clair, clair, clair, fais le danser, fais le danser, fais le danser. Clair, clair, clair, fais le boulot, fais le boulot, fais le boulot. Clair, clair, clair, fais le danser, fais le danser, fais le danser. DJ K. Mario Renouillant. Clayton Hamilton. DJ K. Meilleur album de l'été. La machine de guerre. Et on va en Arabie. Serpironi Zani. Arwa. Chefi. Arwa. Yeah. Serpironi Zani. Arwa. Oui. Je cherche une femme imbécile. Oui. Algérienne, marocaine, je veux un messie. Yeah. Une pintilla, j'aime aussi. Oh là là. J'en ai marre du célibat. Adrima. Dans le sud, j'ai quitté Ripa. Oh, y'a des ailes à mes côtés. Neuf, un. Qui danse comme un chariot. Oh, les frangins. Et je veux une bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Qui danse comme un chariot. Paris ou Renouillant. La bande de frangins. Oui. Elle me rend fou, la nanana. Oui. Elle me rend fou. Oui. Elle me rend fou, la nanana. Yeah. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ouais, DJ Kays est bouillonné le parti. Minha linda, j'aime, j'aime, j'aime la manière dont j'ai brûlé. Yeah. Même ta tricoquine. Oui. Oh, viens par là, je t'explique, copine. J'ai des projets pour toi, oui, ma frangine. Aïe, c'est le Rita. Sa manière de faire me rend plus vital. Oh, oui, c'est official. Sous cette chaleur caliente, je le vis ça. Hey, yeah. Oh, señorita. Señorita. Yeah. Des ailes de Padouba. Chop chop them up. Chop chop them up. Oui. Oui. Chop chop them up. Arrête, je suis pas sûr d'être en état. C'est de la triche car tu sais que je suis faible. Tu ne veux pas causer de dégâts. Oh, je ne sais qui de cet homme. Oui, oui. T'as su comment me faire l'envie. Oui, on oui. Est du planète Trump. Il est là. Oui, il est là. Tu es en état. Señorita. Señorita. Chop them up, chop them up, chop chop them up, chop chop them up, chop chop them up, señor. شيري حياتي أما أختي أنزل خالد شروق شمسي أنا أكثر ناسي سيدي كليتون البناتي لوم كي تو تيران سيدي كليتون à l'instant mixé par Case. Alors on a entendu plein de choses dont l'inédit aussi. L'inédit de Ritza, et même l'inédit de Clayton Hamilton. Et Clayton Hamilton qui vient de faire son entrée dans le studio. Case, c'est dis-nous ça. Un petit mot sur Clayton Hamilton. Clayton Hamilton, c'est la famille, il est là depuis longtemps. On se rencontre en soirée, hein Clayton? Ouais, en soirée. Ouais, bon, j'étais en tongue, hein, bon, nous, chez nous les Africains, bon voilà quoi. Ça va bien Clayton, en forme? Ouais, ça va, merci. Tranquille. Pépère. Content d'être aussi ici invité sur le projet de DJ Case. Toujours, c'est la famille. C'est la famille, toujours. Et bah bienvenue aussi, tu connais un petit peu tout le monde, Yaïs oui, qui est là, Roldan aussi qui est là, Jarod, Diesel avec nous, Axel, Tony, Ritza, DJ Case. Que des lourds quoi, que des lourds. Que du très lourd. Dans un instant, on fera le petit jeu passeport des vacances, passeport de l'été. Ouais, je suis prêt. Bah tout le monde pourra jouer, il y a un super cadeau là. Ah mon frère, moi j'ai pas mes papiers, il peut pas jouer. Tu peux jouer, Jarod. Tu peux jouer, tout le monde peut jouer. Dans un instant, on va revenir, bougez pas, c'est juste après ça le retour de Planète Rap. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit DJ Case pendant une heure complète ce soir. Planète Rap DJ Case. C'est DJ Case, notre invité, et Paris au rang New York. On va écouter un morceau, mais je l'ai promis, le cahier de vacances. Le cahier de vacances. Celui qu'on connaît tous. Et ouais. Qu'on a tous eu pendant les vacances, un moment ou un autre. Ça faisait passer le temps. Le passeport, en effet. Et nous avons donc prévu un petit jeu à cet effet, le cahier de vacances de Planète Rap. Tu es le premier à t'y soumettre, Case, mais c'est normal, c'est aujourd'hui officiellement coup d'envoi des vacances. Des vacances, ouais. Alors attention, au programme de cette séquence, on va faire un petit cours de vocabulaire. On révisera les maths aussi, petite addition tout à l'heure. Et peut-être aussi prononciation en anglais. Je prends une option sur le vocabulaire. D'accord, bah tout le monde peut jouer. Hein. Tout le monde peut jouer. Il y a des cadeaux magnifiques à gagner. Ça avec va, j'ai donc j'ai des. On va y arriver. On peut m'aider alors. Alors, on a pris un extrait évidemment de cet excellent album qui est Paris en New York, un morceau qui est joué sur Skyrock, le Juni G. Mm-hmm. Écoutez bien, il faut trouver les mots qui sont bipés. Attention, voilà, ça va très vite. On y va. Le combat pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Alors, je en train de traficoter. Bah, facile. Je connais mon morceau. 1-0 pour Case, vérification. À ton écart, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Bon, voilà. Attention, deuxième essai. C'est parti. Dans ma tête, je sais pas ce qui se passe, j'ai mis 3 verres. Toute la terre, je rejoins l'espace. Le Game Boy, quand je lève mon majeur, je prends des jackass. Master, c'est je suis sur. Il y a deux mots à trouver. Là, dans ma tête, je sais pas ce qui se passe, j'ai bu 3 verres. Je suis Faya. Ouais. Je quitte la Terre, je rejoins l'espace. Ceux qui me boycottent, je lève mon majeur. Je prends. Et je prends un selfie, je vous dédicace. Ah. Je passe 4 fois, j'ai 2-3 verres, je suis Faya, je quitte la Terre. Je rejoins l'espace. 2-0 pour Case. Je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Nos platines, c'est sur. Gros big up à Mister You d'ailleurs. Voilà, qu'on salue avec Juni G qu'on retrouve sur Skyrock ce morceau. Attention, nous allons passer à la géographie maintenant, Case. Donc attention, 2-0 pour l'instant, Case. Pour le moment, c'est facile. Qui est fort en géographie ici autour de la table? Une question, en fait, Case joue avec qui là? C'est ton tour maintenant. T'es fort. Tiens, vas-y, t'as gagné. Non, moi je connais la carte du Sénégal, mais. Et bah peut-être que tu vas avoir un bon indice. Okay, donc le projet s'appelle, vous le savez, Paris Oran New York. Question simple, combien de kilomètres à vol d'oiseau entre Paris et Oran? Oh, mais ça on connaît. Oh putain. Il y a une marge d'erreur. Ouais, hein. Réponds comme ça si t'as faux, j'ai un. Moi, 100 km près, à 100 km près. Moi je dirais. Paris Oran? Paris Oran. 2000. Non, attends. Un vol d'oiseau. Donc attention. 1100 km. Non, mais attends, chacun. Moi, 1100 km. Plus 1100 km. 1004. 1400. Moi je dis 1110. Il y a la réponse là. 1110. 1400. Qui a dit 1110? 1110 km. Snow après. 1300. Roldan 1300. J'ai terminé depuis quand tu parles français, toi. 1250. Qui dit mieux? Axel, je crois que je n'ai pas eu. 1400. Ritza, on t'entend pas bizarrement. J'ai dit 1400. Diesel, ouais, Ritza, elle a dit 1400. Et toi, on t'entend pas par contre. Moi, je sais pas. 2000. Diesel, maintenant. Moi, vas-y, un vol d'oiseau. 1700 vols d'oiseau, c'est tout. On a les chiffres de tout le monde. Il y en a, ils ont cru qu'on va leur donner de l'argent, ils disent 1200. 1200. Ah, 1200, ou 1200. Les gagnants, parce qu'il y en a deux. Il s'agit de Ritza et Axel Tony, 1400. Exactement 1482 km. Eh ouais mon gars. Ça se voit qu'ils ont fait l'école. Ça veut le savoir. Alors attention. Ah mais encore eux récemment ils ont été opérés. J'ai que mon brevet de natation gros. Mon frère, moi j'ai bac moins 12, c'est plus. On remet ça, attention, rattrapage. Donc là nous avons deux, un point pour Ritza, un point, il faut que j'arrive à retenir tout le monde. Axel, un retenez vos points chacun, deux pour Yves. Non, non, dis pas ça. Alors attention, combien de kilomètres à vol d'oiseau entre maintenant Oran et New York? Wow. Oh putain. Voilà, je dis 4000 sûr. Oh, parce qu'il y a les, il y a les interférences, les creux. Non, c'est 4000. Attends, Clayton Hamilton. 6700. 6700 pour Jarod. 6702. 6702 pour Ritza, Axel. 8000. Alors, Axel est parti. 8000, il fait le tour de la Terre. Moi, diesel. 6500. 6500 diesel. Moi, Ronan, je dirais 7000. 7000 pour. Moi, il dit 5000. 5000, Farid, 5000. Ouais, moi, je vais dire 6002, tiens. 6002. 6002. Putain, merde. Qui avait dit 6002, il y avait toi. C'est et moi, ouais. Et moi. Bah, j'ai regardé. Il n'avait pas dit 6002. Il y a deux gagnants. Et qui avait moi, dit. Moi, elle va pas. Qui triche, qui triche. Non, mais. Case a triché. Allez hop. Il a fait comment pour tricher. Case éliminé, on t'a vu tricher. On sort pas le projet. L'album ne sort pas. T'avais dit combien, Ritz? Éliminé. J'avais dit juste un petit peu moins de Jarod. Non, j'ai dit 6600. J'ai dit 6700. 6244 kilomètres. Donc, t'es pas loin. Pas de gagnant, pas de gagnant, pas de points, pas de points, puisqu'il y a eu triche. Pas bien la triche, pas bien. La prochaine fois, je réponds en dernier. Non, alors attention. Laissez Jarod répondre. On en est où maintenant? Ah, ok, Matt, alors on va voir. Tiens, on va voir les mettre. Ah, là, j'adore ma langue, Charles. Normalement, normalement dans la musique, on sait compter. Demain, après-demain. Parle en euros. Je suis sous un tunnel, frère. Sachant qu'entre Paris et Oran, il y a 1482 km et qu'entre Oran et New York, il y a 6244 km, combien le projet fait-il en kilomètres? Salut. Non, Ritz, ça ne triche pas. À peu près, à peu près, à peu près. C'est DJ Kays qui s'est donc l'addition, c'est simple, c'est 1482 répondre, taper autour, plus 6244. Toi, t'es en train de tricher déjà, je le vois sur l'ordi. T'es éliminé Kays. Ah, tu peux redire. Non, Ritz, non, tu crois que je t'ai pas vu? Pose le portable, pose le portable. C'est possible de reposer la question. 7000. Alors attention, je prends la première réponse. Bravo, c'est le point est pour Diesel. Il n'a pas triché. 7726 km le voyage. Je quitte ce jeu. Tu vois mes réponses comme ça? Je quitte ce jeu. Un point. Je demande à l'huissier. Alors ensuite, normalement. Un point pour Didi. Il y a Gizmo qui devait être dans le coin, mais c'est pas grave, on va faire quand même en anglais. Hein. Clayton, il parle anglais, c'est, attention. C'est assez simple. C'est assez simple. Clayton, il parle anglais. Qui est très fort en anglais. Ça, c'est pas vrai. C'est un joueur de Tottenham ici, on connaît. Tu dévoiles les secrets comme ça en public. Les compteurs sont remis. Deux secondes, les amis. Les compteurs. Clayton, deux secondes. Clayton, toi, tu devais être au fond de la classe, hein, parce que. Il n'était même pas dans la classe. Non, c'était ma place. Dernier, toujours. Attention, écoutez bien, on avait pris un extrait, parce que Gizmo devait être là, on avait pris un extrait du morceau de Célestou, c'est le Repeat After Me. Vous allez répéter après le meilleur en prononciation en anglais. Écoutez. Ça commence par love. Tu sais quoi, le mieux c'est que je vais filer la phrase et le meilleur qui me prononcera cette phrase en anglais. Moi je peux bien la prononcer, c'est facile après ça. Clayton, il parle anglais. Clayton. Ah, donc, là il dit bon, love has forsaken me the way you abandoned me, save you, remember me to the star. Quel Nigérien. Cause I'm alone with you. Repeat bravo, after oui, me, pas mal, voilà. Pas mal. Qui est fort en anglais aussi? Jarod. Love has forsaken me the day you abandoned me. Save you, remember oh me yeah. To start. Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone oh without yeah. You. Open the door. Roldan, Roldan en anglais. Lui, lui, lui, il va y arriver. Avec l'accent espagnol. Non, non, pas du tout. Ah, si. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Ça va être ridicule, Case. Mais c'est vrai. Case, de quoi, filez la feuille ouais. À caisse, s'il vous plaît, qu'on écoute son accent en anglais. Ah, j'ai une bonne accent merci, avec un accent kabyle. Love has forsaken me. Ah, dépêche-toi, the chance. Day you abandoned me, save me, remember me to start. Ça va. Ouais, ça va. Bravo, bravo, bravo, cause I'm alone, I'm alone without you. Et bah, vous savez quoi, yeah. C'est la fin de ce jeu et c'est tant mieux. Et bravo, on peut applaudir tout le monde est le gagnant. Vous partagerez ce magnifique passeport qui est le cadeau. C'est le cadeau. Ce magnifique passeport, tiens. Je comprends bien Clayton. Ah voilà. Voilà. Ça veut dire que comme je suis un paysan. Non mais parce qu'il a pas le passeport. Présente Clayton. Oh là là, elle présente pas ça, les gros. C'est pas toi qui avais dit que t'avais pas les papiers. Ouais, c'est vrai. Oh là là, je vois que Fred est Kay. Sandwich, sandwich. Au moins, tu auras le passeport. Moi, je vais faire ça en freestyle tout à l'heure. Vous inquiétez pas, les amis. Et ben le freestyle, on l'attaque tout de suite, le freestyle, non? Tout le monde est prêt pour le freestyle? Je sais pas si. On va freestyle. Attends, on charge. Eh ben non, c'est juste avant freestyle par téléphone avec Yessima de Granville. Salut Yessima. Salut. Ça va bien, Yessima? Toujours, et toi? Eh ben écoute, une bonne ambiance pour se pénétrer à Paris ou en New York. On t'écoute en freestyle, c'est parti, Yessima? Ça marche. Allez, coup d'envoi. C'est le job. Oh, Yessim, Granville, 2015, santé. Oh, ok. Ça parle trop, je vois le tableau, y'a pas de bouffe encadré. Nique la fracture sociale, tout le monde n'a pas de bouffe en plein trait. J'débrouille et de façon même David, t'as pas de nidouille et signe accès, grouille. Pas d'appel à l'aide, je signale et brouille. On vit de gang, j'en écho, c'est grave. J'éteins la lueur d'espoir quand chaque négo s'écrase. Gros, je guette le karma, prise de bec, gros, test de scanard. Combien de ces chiens seraient prêts à me trahir pour des croquets de canard? Certains veulent la liberté, allons la porte un pont. On tire des tasses parce qu'on n'est pas beaucoup à en avoir un bon. J'ai vu ce que je voulais pas voir à bout de néroptique, sans des carrés, rase barré de là, je veux des ronds, je vends des carrés de gras. Des rêves, c'est le début qui se font des bas. Très têtuches qui font des bas. Des frères au ballon et des putes qui font des baffes. Je me shoot le foie. Les bolos jouent les soifs, trop de pétasses qu'on peut découvrir sous un nouveau jour le soir. Tout ça je connais de près, plus des classes liées, j'ai plus des cartes Nestlé. En grandissant les cônes extrêmes, c'est plus des classes Nestlé. Ok, faut qu'on cause de bif. Non mes nuits blanches c'est pas des soirées coke ce bif. Que de la peau sympathie, rien que ça si tout vente le vêt sur noir. Je fais pas la Saint-Patrick mais j'ai souvent plein vert sur moi. On écoute que dalle, enquêtez un, méfiez-vous grave que le temps. Moi j'oublie pas que le diable en était un. J'picole et frère Jacques à part le grand. Y'a que quelques bricoles entre rencontrer gamin et faire de la cabane grand. C'est cher les femmes hein, pour ensuite la mort. Y'aura toujours des bruits de couloir, même quand je serai dans suite la mort. Yesim. Yes. Bien Yesima à l'instant, bravo, bravo. Franchement, sincèrement, très très lourd. Ah, c'était lourd. Sincèrement. Merci à vous les gars. Ouais, très forte Yesima. Merci à toi et beaucoup courage pour la suite. On peut te retrouver où sur le net? Balance sur YouTube toujours. On a sorti pas mal de clips là et on en ressort toujours par la suite. Yesima. C'est pas terrible. On ira suivre. Merci à toi Yesima. Continue. Pas de quoi. Et bon courage pour la suite. Lourd. On est parti pour live. Ouais, on va partir là. Eh ben c'est parti. Coup d'envoi. C'est pas chier. Live, Rick. Oh là là. Faites de l'espace. Ça va chier. Genre, on va chier des bulles. Le caméléon. Oh, il va vous montrer c'est comment. Skyrock, Planet Rap. Sharon. Clayton. Jungle Beats. Yeah. 75, tu connais les bails, ma gueule. DJ Kays, tous mes gars va au star. Croco, Bilal, tu connais les bails, check. Yeah. Viens pas me raconter ta vie, poto, je suis sur un bail. Tu fais le foot devant l'équipe, tu t'étonnes quand je sors un 90. Donne le contrat, je paiera pour les thunes, pas pour les likes. Sors un mic, c'est plus la merde, c'est parce qu'ils sont sous mes Nike. Je connais Dexter, Gava, je suis dans l'expertise. Quand je détruis des faces, B, c'est juste un exercice. Le rap est fait et procédé, normal, les mecs sortissent. Pour les restas sans niveau, donc faut qu'on l'exorcise. Beaucoup de haine à donner, j'écris des trucs de malade. J'ai pas le temps, je veux de la monnaie, viens pas me raconter tes salades. Moi j'essaie de rester pas bon, mon équipe est solide. Tu me dois des soupes, moi si tu veux pas que je te prenne ton. Fais le gangster, passe un mauvais quart d'heure. 156 bing bing, t'as la cité Carter. Tu connais les trucs, sors un hit ou alors ferme ta gueule. Viens écouter quand on kick. Petite frappe. Raconte pas ta vie, on sait tous les petites frappes. J'ai un chrono dans ma tête, ça fait tic tac. J'connais peu de mecs clean, donc j'fais des zigzags. Petite frappe. Tu te fais voler par ta team, t'es une petite frappe. Tu fais le voyou victime, berger nous a kidnappé. Dans les ghettos pétés où ça suce pour un Big Mac. Petite frappe. C'est DJ Kays, tu connais les bails. Yeah. Tu fais comme si c'était la guerre, mais la guerre tu l'assumes pas. Ce qu'on perçait tout seul demande à l'IMSA. Je suis traumatisé. Pour ça que j'écris mes 16 en une fois. J'aime pas les coups de pute, j'préfère mes mains percute, big up à Dixa. Des futurs groupes inès pendant que les parents s'amusent. Dis-le de tomber, me relever, teaser, me barricader, s'amuse. J'suis dans ma rue, j'vois des condés qui m'observent. Défoncé, j'fais du cash pour financer tes obsèques. Le fait, t'étais mon pote, maintenant pour moi t'es qu'une donneuse. J't'ai défendu contre plein de gens, j't'ai même donné du buzz. Viens plus me serrer la pince, t'es pire qu'une racle, il faudrait même te faire pousser des uns. Mon ami, tu sais de qui je parle dans l'équipe. J'avais beaucoup d'ennemis, j'pige up. J'suis rongé par la honte en espérant qu'ils écouteront le 16. Tu changes de ton selon le coin, c'est ça le concept. 7-5 funérailles, musique. Les ballons sont des grandes bouches pour mieux sucer le fusil. J'ai pas de fusil, juste un micro. Comment voulez-vous crédibiliser ces mythes? Tu parles comme mon sauce, marche comme mon sauce. Dis-le toi qui parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. Dis-le deux fois. J'parle comme mon sauce, marche comme mon sauce. Dis-le toi qui parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. Dis-le. Parle comme mon sauce, marche comme mon sauce. Dis-le toi. Parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. Dis-le toi. Parle comme mon sauce, marche comme mon sauce. Dis-le toi qui parle sur ton sauce, marche sur ton sauce. Dis-le qui. DJ Case. Woo. Encore avec la famille. Is no. Yeah. 45. 45, négo. Alors les mecs, timide ou quoi? Is no good. Yeah. Ça sert à rien de faire le timide. Woo. Dédicace au garage creed jusqu'à 45. Il va falloir encore bien écouter. Bien écouter, hein. Is no. Frappe les go, frappe les gars. Pour le mago, pour être Omega. Ce l'est pour mago, autant pour méga. Qui refuse le méco. Car l'Omega dit partager les gains, remplir le frigo et s'appeler frica. Is no. Pas le temps pour les cris. Trop de mecro, ramène à te mécra. À cause de mecra, te dis mes écrits à la moquerie. Sur le micro, c'est sûr que mes moqueries. Tout pour le béquet et rien pour les pros. Sauf si le pico, les branches et pico. On sent pas des légos. On veut des lingots illégales, même encore. Sans trop de dégâts, on ramasse, on dégage. On grappe les tapes, on grimpe, on s'échappe. Au calme, on claque la clope pour le rond éclate les potes. En live encore de Skyrock. Hey, tu peux m'appeler encore DJ Case. Il chauffe, il chauffe, il chauffe encore toutes les platines. Pas de laisse au chaud, tu t'inquiète pas pour le. Yeah. Dis-leur, dis-leur, dis-leur à la famille. Tu connais les bails. On y va, on y va. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Jean-Rod 75, tu connais les bails, mec. 75, 75, tu connais les bails, mec. 75, 75, yeah. Ok. Je suis dans ton cas, vu tu m'as senti, j'ai des inimitiés partout. J'ai coffré mes cartes tous. Tout le monde m'a dit, j'arrête tes prochains mots, tu les frappes tous. Je suis pas dans vos partout, encore moins dans vos sales coups. 7-5-0-19, on est nombreux comme les Gendou. Bah les couilles, tu viens d'où? J'ai des gavas de Panama, New York, un de 1, 2, 1, 2. Je fais des tales qui sont parallèles, ça m'embête un peu, j'avoue. Ça va, et bye, vous, équipe de fou, le calabou. Je suis dans un bail, prêt à te fumer pour la maille. Prêt à te faire un ou nouvel orifice pour que tu sentes la vibe. Le canon d'un calibre, allonge pas ta huc. Non, si t'as fait 10 ans de tôle, on s'en bat les big up si tu touches les allocs, 500 un bonhomme, t'inquiète ça, on te raconte, tu seras solo. Je te raconterai l'itinéraire d'un jeune boss. On arrête tape avec un coup de crosse. Personne aime faire tricard, car, car, car, car. Personne aime faire tricard, car, car, car. Personne aime faire tricard, car, car, car. Personne aime faire tricard, car, car, car. Personne aime faire tricard, car les maquerelles ont tricard, car les cartes et les bouches qui m'étonnent. Les marques et les contrats qui m'étonnent. De l'outal, car les Tony Pets, ils mettent son montant, mais montant dans le tétat, le mal, la normale. Arrête, tu t'invente des vies, tu fais le mec passer ton fils. Zarma, tu joues les retus, tu joues les, c'est pas possible, les frères. Trompe pas, pas nos cibles à mort, et je fais sur les récifs, j'aurais jamais dû dire ça. Full bordel avec la famille, full bordel avec la famille, full bordel avec la famille. Oui, les aides à nos goodies, goodies, ya. Oui. Oh, oh Seigneur, mais, oh, mais on était où là? On a quelqu'un très, très là-dessus. Chaud. Oh là là, oh le festin était sucré. Odi Clayton Hamilton. Ah oui, je n'en vas-y. Vas-y, vas-y, je t'accompagne. Je t'accompagne, Pagin. Ok. Fais le temps. Clayton Hamilton. Yeah. Is it an old style? Va falloir que t'écoutes. Encore la bonne, bonne, bonne vibe. Yeah. Vas-y, Clayton. Et moi j'ai commencé tout doucement. Oh, yeah, oh, no, il va no, falloir no, que no, tu no, termines no, les gens, même si aujourd'hui est doucement. I say I don't give a shade, babe. Shade, I'm the king of the lane. Yeah. I'm the king of my lane. Oh, say I don't give a monkey. I'm the king of the lane. I'm the king of my lane. Ça, c'est les vrais du 7-5. Ça, c'est pour ça. Je vais décharger mon sem sur quelqu'un, je le tuerai. Oui. Mon cœur est saturé, les forces de l'ordre m'ont ceinturé. Hein. Oui. Juin 2008, je coupe ma défonce avec du shit. Oui, j'ai connu toutes sortes de shit. Ton gosse te parle des gangsta shit. La justement, les ghetto conneries. Y'en a qui toute leur vie vont répéter le même genre de conneries. Y'en a qui toute leur putain de vie vont gober les mêmes disquettes, gober les mêmes discours. Les mêmes qui tapent le 17. Chétan m'a fait des ristos. Yeah. Les gars nous offrent un flashback. Y'a des rappeurs qui clashent mal. Y'a des rappeurs qui racaillent. La plupart sont des rappeurs. Je suis dans la tête des gangs. Aucune chance de connaître le boycott. Sur le terrain, des fois, je fais des rafales pendant que mon boy gonfle. Nique sa mère, des fois, c'est moi qui compte pendant que mon boy gagne. Nique sa mère, des fois, c'est moi qui gagne pendant que mon boy gagne. Hasta la vista, tu reverras plus ton bif. Les carottes, ça va vite 2008. Y'en a qui sont vifs. Y'a autour, personne t'assume. T'as plus qu'à zapper les potes. Oui. Celle où tu faisais du blé quand tu pensais que t'avais des potes. Quand t'as les codes, j'avoue, tu serrais des meufs. T'as 18 piges, j'étais en toi. Maintenant, tu serres les seufs. Maintenant, tu serres les. En fait, en gros, il a dit maintenant, tu serres les seufs. Moi, Braha. Là on vous attend. Clayton Hamilton. Allez. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Clayton Hamilton. Si tu penses encore qu'à traverser aussi dis-le. Qu'on y est sans pitié, pitié, oh, pitié. On fout la merde, on fout la merde, on fout la merde. Pour toutes les personnes encore qui n'ont pas dit merci. Dis-leur que ça débute. Et même si aujourd'hui ça lutte. En vérité normal, on n'a pas lutte. Dédicace encore à ce A tous mes frères enfermés. A tous mes frères enfermés. A tous mes frères enfermés. En vérité normal, on va la fermer. A tous mes frères enfermés. A tous mes frères enfermés. C'est mon 4-5-4-5-4-5 speech qui a dit encore les mêlés. Yeah! 45 ghettos. Yeah! Ride, ça validé, validé. Sale. DJ Case. Axel. Yeah. Juston Records. Axel. Juston. Yeah. Je pense que c'est le fait, mon gars. On y va. On a laissé le rire qui est au rang. DJ Case. Tu connais le phénomène, salam toujours élégant. Commande à Juston, on est toujours dans les temps. Yeah. Peu importe si tu m'aimes, mon son vient dans mon camp. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enjaille sur du DJ Kane. Hey. À fond dans la caisse, à fond dans la caisse. Yeah. Et nous cherchons ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Ah les problèmes, appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. On fait danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton basse à ton épaule, c'est comme ça chez nous. Mais ton père me regarde chelou. Miss t'es trop belle, j'vais te mali-malier. Oui. Direction le bled, c'est vali-validé. Viva viens, j'ai besoin de m'évader. Ouvre-toi la main, calée sous les palmiers. Oui. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça vers moi. Allez, allez, allez. Quand je m'en aller, ouais. Allez, allez, allez. Salam, salam. Allez, allez, allez. Miss t'es trop belle, j'vais te mali-malier. Direction le bled, c'est vali-validé. Mon garçon. KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calée sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, oh là là. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la gif. Omri, danse, vas-y, danse, mais j'étais où là? N'écoute pas les gens, oui, c'est bon, fais ta hit. Je suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au McDo, t'es gentil, t'as la pimine. Oh, baby, je rigole, fais pas ta hit. Les gars, ça cassé. Tu m'ignores, j'adore quand tu souris. Me fais pas croire que t'es fatigué. Question platine, t'as validé. Du gros son, c'est les holidays. M'arrive, tu veux parier. Tu veux parier. Just parier. DJ Case, Rizza. Direction le bled, c'est validé. Oui. Viva bien, j'ai besoin de m'évader. Oui. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça à faire, ouais. Allez, allez, allez. Je crois qu'ils m'en allaient, ouais. Allez, allez, allez. Salam, salam, eh. Allez, allez, allez. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Oui. C'est celle que mon cœur attendait. Oui. Sors dans mon lit, y'a comme un vide. Oui. Toute la nuit, je fais que penser. Yeah. Juste un kiss, kiss, girl, je suis ailleurs. Oh, on se le dise, dise, on n'est pas peur. T'es pas prêt, pas besoin de parler. Je t'en prie, juste ouvre-moi ton cœur. Direction bled, c'est validé. Oui. Viva, viens, j'ai besoin de m'évader. Oui. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça à faire, moi. Allez, allez, allez. Moi, je vais m'en aller, ouais. Allez, allez, allez. Salam, salam, eh. Allez, allez, allez. C'était trop belle, je vais te marier. Direction le bled, c'est validé. Viva, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Oui. Pas que ça à faire, moi. Allez, allez, allez. Moi, je vais m'en aller, ouais. Allez, allez, allez. Oui. Salam, salam, eh. Allez, allez, allez. Oui. DJ K, Paris, Orange, New York. Dédicace à mon gars, l'attaque dans le point. Allez, allez, allez. La Disney, Sharon, Clayton, Hamilton, Omega, Axel. Ça, c'est comme 6 rue de Berre. Tu casques pour moi, s'il vous plaît. DJ K, ils sont plats. Yeah. 504. On dirait que t'as pas de life. On dirait que t'as pas de life. On dirait que t'as pas de life. On dirait que t'as pas de life. J'arrête sur Skyrock. On dirait que t'as pas de life. Chill. On dirait que t'as pas de life. On dirait que t'as pas de life. J'écoute la radio, tu chantes la mienne. Oui. Taillon me vole ma vibe. Aucun n'est dangereux, je connais le game. J'ai fait courir ton rappeur, celui que tu suces sur face. Celui qui met des taufes de braqueur en idolâtre transcarface. Tu veux un plat, je te le donnerai. T'inquiète, écoute mon prochain son. Paris, c'est chez nous, mon gars, va y air. On se pose dans la street en chanson, ils font de la trappe. Ils ont un balai dans le cul, j'ai une seule galère. Forala, je suis passé à deux dans la falaise du palace. Ralenti de sport. Trop balèze dans ta rose. Gaba, sauf ton honneur, mon talent est d'honneur. J'ai connu le bonheur. J'en veux pas plus. On sort de l'hiver, c'est pour ta galère. Encaisse le salaire. Je rappe la ravure, rappelle en ma vue, tu m'as décavu. Tu cannes très peu. Rien que tu sais su, Gava, tu m'as déçu, tu cherches des issues, l'équipe fait feu. Tu connais les bails, ma salope, je respire de l'air pur, coupé à la Ace. L'album carton, tu allais vite, va tes mains aller vite sur MTV Base. C'est le 19ème briquet comme Brest, Stalingrad le mieux. Stalingrad le mieux. Normal, tu changes, je ne crois plus sur Paname, c'est la guerre. J'ai un compte dans le prod, j'ai un compte dans le sale. Je suis Universal, tu t'es fait Kenta, j'étais du Versace, j'ai ouvert mon cœur, pote, vas-y, mets le sac. Laisse appeler Snitch, je suis au studio avec Mitch. Aucune tête d'affiche. Yo yo yo, I say, mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini. Les gens qui ne disent que ne disent pas, mais ne font pas de me texte, ne me disent pas. Ah, ne disent pas, on crie, t'as la mille, t'as la gueule. Oh, oui. Les gens qui disent que ma vie, le sonic is mine, et chain it on the lace. Oh, my mind, baby. Yeah. C'est la musée de l'égout qui a dit. Oui. Je n'ai rien à foutre, même si tu penses en con quand je dis c'est d'esprit. Oui. Pour toutes les personnes encore qui n'ont pas entendu en vérité, tu n'as pas compris. Oui. On m'a dit encore que je fais des 10, 4, 5, 6, 10 aussi. Oui. Tu peux leur dire encore qu'on est bien dans nos pots. Oh. C'est la musée de l'égout qui t'a dit, même si on kick le morceau. Ah oui. Dis-leur encore qu'il y a genre rodé, Clayton, Hamilton, jusqu'à Tony, jusqu'à Rita, jusqu'à 75 et Farid Oussama, wow, wow, ah. Farid, Farid Oussama, wow, wow, ah. Pour Paris, New York, DJ Case, DJ Case, Keston Record, Keston Record, Skyrock. C'était la session live. Brah, session live dans Planète Rap. Merci à vous tous, bravo. On peut applaudir tout le monde là. Bravo. Ouais. Il y avait au micro Rita, Axel, Tony, Diesel, Clayton, très très chaud. Clayton, avec nous. Jarod était très chaud aussi. Snow. Heureusement, il nous a arrêté. Big up, Nervous. C'est parti jusqu'à demain. Je sais que c'était parti. On s'arrête jamais. Il y a un moment, il faut arrêter parce que sinon ça part. Trop de styles différents en plus là. Merci à vous tous, merci Case pour cette belle semaine. Des petites dédicaces vite fait à faire. DJ Case. Tu sais quoi, on les fait juste après avoir fait tourner rapidement la roulette. La Sky Roulette. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Salut Sarah du côté d'Aulnois, ça va bien Sarah? Ça va et vous? Eh bah bienvenue, tu es prête à faire tourner rapidement la roulette? C'est parti. D'accord. On la lance juste après, il y a la radio libre de Diffoul, à pas louper. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah voilà, 1, 2, 3, 4 places pour le parc Astérix, c'est pour toi Sarah. Merci, merci. T'es en vacances toi Sarah? Je travaille pas là, je m'occupe de ma fille. D'accord, ah bah oui, t'es jeune maman. Voilà. Et bah profite bien, tu vas pouvoir l'emmener du côté du parc Astérix. On te fait un bisou, merci à vous tous pour cette soirée Case. Yes. Les toutes dernières dédicaces. Bah ouais, on va faire pour excusez-moi, Fred, juste une question. Oui. Quand vous faites votre Sky Roulette là? Ça fait 15 ans que j'ai joué, j'appelle, j'ai niqué les crédits, j'appelle 0800, tout ça. J'ai fait tout, on m'a jamais répondu. J'ai demandé juste un téléphone, jamais on m'a répondu. Vraiment, il faut arrêter cette connerie là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était le coup de gueule de Clayton. Merci. Un tournement lourd. Et ouais, donc gros big up, grosse dédicace pour Mama du News Café. Un gros big up aussi pour Nazim. Là, il ouvre son affaire à Alger, en Algérie. Ça s'appelle White Dream Alger. Yeah. Donc pour tous ceux qui seront en Algérie cet été à Alger, ça va être au White Dream. Et sinon, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont Farid, Oussama, merci l'équipe, Justin Record, merci à tous toi, ceux qui, les invités qui sont merci venus. Merci, Paris ou New York, toujours dans les bacs. Hein. Ah, on rappelle voilà, que c'est 31 ça. Morceaux allez, sur chercher. Un même album et c'est l'album yes. de l'été. Le meilleur album de l'été. C'est le truc qu'il vous faut quand vous allez en voiture, en vacances, bande d'enfoirés. Voilà. Merci Isno, merci Jarod. J'ai bien aimé ça, Jarod. Ouais. Ça va. C'était efficace. Je fais une grosse petite dédicace à tout mon 45. Yes. C'est chez nous. Merci beaucoup. Dédicace à toute la province et Paris aussi. Merci Fred aussi de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Et merci pareil. À Skyrock. Et toi. Dédicace à toute la famille. Comment s'est passée ta semaine, Fred? Eh ben, est-ce que j'ai pas l'air ravi? Ah si, là, je t'ai jamais vu heureux comme ça. T'as vu comme je suis heureux? Là, je te vois. Là, t'es pas là, tu pars en week-end. Non, mais frangin, lui, il fait pas le ramadan, donc il peut tabasser. C'est nous, on souffre. On a Eh ben, courage, vous. C'est quoi, 22h ce soir encore? 22h? C'est ça. Eh ben, courage à tout le monde et le son. Le son qu'il faut avoir durant cet été, Paris, Orange New York. Case, voilà. On se retrouve dimanche en minuit. Ah oui, nous dimanche tous les dimanches. Pour Rice Suprême à pas louper. H Magnum. Merci. Et on va retrouver D-Fool qui doit être connecté. Mais oui, on est connecté. Gizmo, t'arrives à l'heure, Gizmo. Arrive Gizmo. Hey Gizmo, alors qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sais pas, il a eu chaud en plus, il a eu un coup de chaud, Gizmo. Ah bah tiens. Gizmo, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Bah ouais. Ça va? J'étais sur le terrain, mon sauce. Bah tu crois que j'étais où? Ça va, Gizmo? Ouais, je suis un Skyrocker, bien quoi. T'arrives juste à la fin. Mais merci quand même d'être passé, Gizmo. Non, mais j'arrive juste à la fin, cousin, pour dire que les projets de DJ Case, les projets de Jarod, tout ça, c'est de la frappe, mon sauce. Lourd, ma gueule. On est ensemble, cousin. Ah, on parle peu, on frappe t'étais, fort. T'étais à la plage, à Paris Plage? Hein? Non. Paris Plage, mon sauce. Ah, ça va commencer encore? Non, dans ce cas-là, il est en avance. Faut choisir en avance ou en retard. Il faisait des tractions, mon sauce. Ah oui, bah il faisait des tractions. Là, je suis en mode musculation, là, c'est l'été, frère. Il était en train de faire un peu de sport. Tu vois comment je suis devenu balèze depuis le dernier Planet Rap? Je vois ça. Impression de voir 50 Cent à la grande époque. Bon, tout va bien, Gizmo? Ça va. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois venu, même pour les dernières minutes. Ouais, non, je suis venu pour les dernières minutes. Yoni, il m'a brusqué, tu connais lui, il fait toujours les trucs au dernier moment. Mais comme j'ai entendu, il y avait vos têtes de con. Toi, ta tête de con à Fred, la tête de con à Momo. Allez, la tête de con, la tête de con à Jarod, la tête de con à Nervous. Hein, la tête de Clayton. Clayton Hamilton, sa tête de con aussi. Oh, ça tire. Il y avait la tête de con de tout le monde, donc j'ai aimé toutes les têtes de con qui étaient ici là. Mais dis donc, frangin, mais t'étais où là? Tu viens plus en soirée là? Mais en fait, le truc, t'as envie, c'est qu'en ce moment, je suis plutôt au quartier quoi. Ah, j'ai compris ça vraiment. C'est un peu au quartier en train de faire du business. Ah, mais c'est ça la vérité. Connette, Oasis, Coca, vous pouvez tous venir. Vous pouvez tous venir sponsoriser aussi les frérots du quartier, les frérots du foyer, les frérots du foyer, les frérots du foyer. On est ensemble, ça bouge pas. Merci en tout cas, Gizmo. Merci à vous tous. Merci à toi, mon frère. Il est venu au moins, il est venu. Il est venu, ça fait plaisir. Merci à toi, Hugo. D-Fool, Fredo. C'est parti pour la radio libre. Case, le retour, c'est dimanche. Eh oui, dimanche soir à minuit. Ouais, je dis minuit, mon gars. Bien. Et toi? Ouais, ça va. Ça va, j'entends ça. Toujours. J'ai le droit de venir foutre la merde aujourd'hui chez toi. Non, c'est interdit aujourd'hui, canicule. Alerte canicule. Ah, mais il est en mode canicule. Alerte canicule. Je suis torse nu, je suis remonté comme une pendule. Ah bah raison de plus. Merci Gizmo en tout cas, c'est toujours plaisir de t'entendre Gizmo. Et Case, on se fera un truc dans l'émission, on avait promis. Ouais, puis bon, t'as ton émission à toi, Rail Suprême, c'est pas un cumi ou une pipe, hein, un truc de bonhomme. Ouais, juste, on le fistera. On fera soirée fist alors. Ouais, soirée fist pour DJ Case. Ah, il va pas venir, on entend plus. Allô, Case, es-tu là? Ah, Case, il est là. Case, on l'a perdu, Case. Bon, allez, c'est parti. Il est de retour. Ah, oui, Fredo, t'es de retour. On va perdre le meilleur DJ de France. Non. On le garde, le meilleur DJ de France. Fred, de retour tout à l'heure à minuit avec Planète Rap, la nocturne. La nocturne 100% rap français. Soyez là tout à l'heure à minuit, juste après l'émission. Ce qu'il fera à découvrir. Et lundi, Planète Rap, c'est en direct, lundi soir, nouvelle semaine. Cindy de la Team BS qui débarque enfin avec son premier album à découvrir. Et avec La Fouine sous le bras, j'imagine. Je pense. Aussi. Soyez là semaine prochaine, La Fouine, Cindy, Fredo, Planète Rap. Et nous, on arrive dans deux minutes là, on met la pub et on est de retour tout de suite avec un grand appel que je vais lancer pour vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Il y a un membre de l'équipe a un gros problème et a besoin de vous. Tenez-vous prêts, c'est parti dans un instant. Puis si vous aussi voulez passer dans l'émission, on est en direct, donc vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20, le 41 759, l'appli Skyrock, vous faites tout péter et on se retrouve tout de suite sur Skyrock. Merci Fredo. Ciao Fred. Skyrock t'invite toi et trois personnes de ton choix.